Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler à Pascal Masson des Alouettes de Montréal. Les Alouettes, encore une fois, qui ont perdu contre les Eskimos d'Edmonton. En fin de semaine, ils sont assurés de ne pas perdre, ils ne jouent pas. Fait que, on en parle avec Pascal. Salut Pascal! Pascal, je veux te parler d'abord du match de lundi. Les Alouettes nous ont habitués à un mauvais début très mauvais début de match. Ils jouaient souvent du football de rattrapage. Et ils ont bien sorti lundi. Par contre, encore une fois, ça a été une autre défaite. C'est la deuxième demi que ça a été difficile. Ah ouais, exactement. Écoute, la façon que le match avait débuté, je me disais, bon, tu sais, pour une fois qu'on profite d'un... On en a parlé souvent, toi et moi, là, ouais. Le momentum. Il n'y avait jamais de momentum. Puis une fois qu'il l'avait, ça ne durait pas longtemps. Là, on a commencé le match en force. Autant au niveau défensif, unité spéciale, offensivement. On dirait que les trois unités jouaient ensemble. Puis on jouait un peu sans pression. Ouais. On avait avoir du fun sur le terrain. Sauf que ça n'a pas duré assez longtemps. La deuxième demi, elle a été à l'image des Alouettes. Ouais. On faisait face à une équipe qui avait connu 6 défaites d'affilée. Il n'y avait aucune de ces deux équipes-là qui avait un momentum dans la saison. Et puis Edmonton, probablement, la game voulait dire beaucoup plus de choses pour eux. Mm. Puis qu'encore une fois, on a baissé les bras en deuxième demi. Et c'est ça, c'est bien de valeur parce que on a vu des belles choses en première demi. Ouais, effectivement. J'ai vu des joueurs comme Samuel Blanc sur les unités spéciales bien performer. C'est des jeunes joueurs de même qu'il faut qu'ils continuent à jouer fort, des plus jeunes joueurs, là, Michael Charland, il faut qu'il prouve encore l'année prochaine, mais ils veulent un contrat, peu importe où dans la ligue. On s'en va avec ça. Je pense que les trois derniers matchs des Alouettes, Kevin Street devra faire des ajustements, devra faire des évaluations, pas des ajustements, des évaluations. Moi, j'ai hâte de voir. Je sais que mais Drew Willey fait quand même pas mauvais. Il est pas mauvais. C'est pas Damon Durant, non? Mettons qu'il est meilleur que Damon Durant. Ce qu'on reproche à Durant, c'est des interceptions au mauvais moment. Willie, lui, fait pas d'erreur. Au moins, c'est pas spectaculaire, mais il fait pas d'erreur. Mais tu sais, moi, ce que j'anticipe pour l'an prochain, c'est d'amener Drew Willie avec une armée de corps arrière qui vont se battre pour le poste de partant. Ouais. Parce qu'au moins, il reste que Drew Willie a l'expérience d'aller canadien. C'est un bon backup, on pourrait dire. Il reste encore quelques années. Ouais. Donc, ça peut être une police d'assurance, mais. Darren Durant n'a pas eu une grosse saison. En fait, il a eu une saison assez terrible. Mais ce qu'on remarque, c'est que le système offensif, peu importe de quel carrière tu mets en ce moment, n'est pas un système qui produit. Donc, ça va passer par là aussi, là, trouver un coordinateur offensif qui va être en mesure d'établir une belle structure et de quoi de quoi qui fit bien avec la CFL. Sais-tu comment je vois Drew Willey, moi, Pascal? Je le vois comme un Travis Lulley à Vancouver ou un Drew Tate à... Il est rendu à Calgary, Drew Tate? Drew Tate est avec Ottawa. OK, Drew Tate est avec Ottawa. Ben, peu importe, là, c'est pas mal. Il joue le même rôle un peu, là. Donc, ouais. Drew Tate et, ou encore Travis Lulley. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ben, il joue le même rôle, sauf que je prendrais les deux autres carrières avant lui. Oui, c'est sûr, mais là, il est pas, on les a pas. Fait que, on les a pas! fait que c'est tout. Mais je pense qu'on peut bien rêver. Oui, c'est effectivement. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Hey, parlons de carrière. Je veux te faire commenter l'article de Mathieu Boulay, très intéressant hier, où il parle des 10 erreurs de Kevin Street. Il y a un carrière qui est à Saskatchewan, qu'on a vu très peu avec les Alouettes, que là, les Alouettes l'ont même libéré. Un carrière canadien, quoi qu'un carrière canadien ne rentre pas dans le ratio, là, finalement, mais, ouais. Mais qui il arrive en Saskatchewan, puis ça depuis trois matchs, et la semaine passée, contre les Argonauts, il a orchestré une remontée, c'est Brandon Bridge. Lui, là, à part que de le voir des faux filades du cœur avec les Alouettes, on ne l'a pas vu. Quand on dit là, d'être patient avec les carrières, c'est un exemple. Ça en est un exemple. Puis l'autre exemple, je vais t'amener sur Rakim Kato. Moi, Rakim Kato, là, je l'adorais. Mais il n'était pas facile. C'est vrai que c'était un gars pas facile, mais il n'était pas encadré. Puis avec la ligne à l'attaque qu'il y avait, probablement que le doute s'est installé. Mais c'est là qu'on voit que, d'être patient avec un carrière. Puis quand on dit qu'on n'a pas été capable de développer Anthony Calvillo, un successeur Calvillo, là, on a deux cas, là. Deux cas qui étaient des joyaux. Puis là, finalement, ben. Il y en a un qui joue plus, puis l'autre, il va peut-être briller avec Saskatchewan. Mais c'est la meilleure preuve ici, Dan, ouais. d'une organisation qui a un système qui est en mesure de mettre en valeur ses joueurs. On le voit à Saskatchewan. Saskatchewan a un début de saison plutôt difficile, ouais. mais on avait un plan, on a bâti, et là, tu sais, on avait Kevin Glenn qui était en poste. Puis là, c'est Bridge qui a joué le dernier match, puis on voit que le système est le même. Donc, les lectures sont les mêmes. Il n'y a pas de place à improvisation. Quand on avait Brandon Bridge dans notre organisation, qu'est-ce qu'on disait de ce joueur-là? C'est qu'il a toutes les qualités qu'on veut d'un carrière. Ouais. Il est grand, il est puissant, il est fort, il a un bon bras. OK, mais pourquoi qu'on l'a libéré? On l'a remplacé pour qui? Pour un carrière qu'on a échangé, un premier choix, qu'on a finalement échangé pour un joueur canadien. Effectivement, on n'a pas été patient. Rakim Kato est la même chose. Moi, là, je rappelle d'un match contre les Stampeders de Calgary il y a 2 ans. Premier match, OK, probablement que par la suite, les gars, la défensive n'avait pas de film, ne le connaissait pas. Sûr que c'était quand même une université. Tu sais, sur YouTube aujourd'hui, tu es capable de voir dans la NCAA, mais quand même, c'est pas du tout. Là. On ne connaissait pas Rakim Kato, les défensives sont ajoutées, mais tu peux pas connaître un match contre les Stampeders et pas avoir de talent. Tu te rappelles de ce fameux match là, contre les Stampeders? Oh, oui, il avait détruit la défensive. C'était incroyable. Rakim Kato là, avait des belles qualités. Ouais. De carrière. Lui, la problématique qui est arrivée, c'est qu'il se retrouve, c'est un carrière extrêmement émotif. Ouais. Il s'est retrouvé dans une situation avec des joueurs comme Duran Carter. Le nom m'oublie, là, mais il y avait son cousin à Carter aussi qui était là. C'est pas Brian Bratton? C'est un petit. Non. En tout cas, ouais. Ça va me revenir, mais. À ce moment-là, Jim Popp n'a pas été en mesure de contrôler ses têtes folles. Hein? Il n'a pas été en mesure de tout gérer ça. Et la foire a pogné, puis au lieu de contrôler la vedette qui était Carter, ben il s'est débarrassé de Kato. Et là, on voit, puis ça, c'est facile de dire avec Carter, de lancer tomate à Carter. C'est drôle pour en Saskatchewan, Carter, il est là. Ouais. Puis, il est encore un tête folle, mais il gagne des matchs, puis il produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le responsable de l'équipe, qui est Jones à Saskatchewan, il a été en mesure de faire ce que Jim Popp n'a pas été en mesure de faire effectivement. À Montréal, puis ben, ça nous a coûté un carrière. C'est un joyau. Là. Tu peux pas connaître un match contre les Stampeders de Calgary et pas avoir de talent. Là. C'est un match comme ça. Là, c'était, il y avait tout. Puis il y a une autre affaire aussi que tu as peut-être mentionné. Tu as mentionné qu'il était encore arrière émotif. Et Rakim Kato jouait avec une ligne à l'attaque, c'était une vraie passoire. Quand tu es un carrière émotif, j'imagine que ça doit jouer sur ta confiance. Ben, ça joue sur ta confiance, ça joue sur ta patience. Ouais. Puis on se souvient aussi que le groupe de receveurs. Ouais. Et c'est pas un groupe tout étoile, là. Donc, c'est définitif que Kato a pas été mis dans une situation favorable pour lui. Okay. Pour le genre de joueur. Moi, ce que je suis déçu. C'est qu'on l'a pas revu nulle part ailleurs. Fait que ça, ben non. C'est signe de quelque chose aussi. Il arrivait d'université. Écoute, c'est un gars qui, quand on connaît son passé, il était dans l'université, il était dans une ville, un secteur de la ville de Miami, apparemment, que c'était très, très difficile. Il a passé sa jeunesse là-dedans. Donc, ça doit être très difficile. Allez, en terminant, Pascal, je veux te parler, je te fais pas commenter les 10 erreurs, je vais te demander la plus grosse erreur. Mathieu Boulay, hier, dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec, a sorti les 10 erreurs en un an de Kevin Street comme directeur général. C'est énorme, déjà 10 erreurs. Tu sais, Marc Bergevin, il en fait deux, puis il se fait tirer dessus. Kevin Street en a fait 10 en un an. Je vais les nommer les 10, là, puis je veux juste savoir selon toi la plus grosse, OK? Ouais. Donc, dans les 10 erreurs, la libération de Bear Woods, l'échange de S.J. Green, dérouler le tapis rouge à Damien Durant, miser sur des plaqueurs canadiens, congédier Chapdelaine et Thor, devenir entraîneur-chef, faire des déclarations contradictoires ou miser sur Ernest Jackson. Quand tu penses à ça, là, en un an, à peu près comme tu étais en Iran, il a fait 10 des erreurs. C'est qui la plus grosse erreur selon toi, là? Puis ça, c'est seulement les 10 énumérés parce qu'il y en a d'autres là-dedans qu'on pourrait. Non, mais c'est vrai, c'est 10 erreurs. Tu sais, des fois, Marc Bergevin, là, tu regardes ses médias sociaux, puis les gens sont durs avec parce que des fois, c'est facile à dire, j'irais chez un joueur de centre, j'irais chez un défenseur. Facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais ça, c'est vraiment des erreurs. Là. C'est pas, t'sais, c'est quoi la plus grosse? Ouais? La plus grosse erreur, là, c'est la première de toutes. La première de toutes, c'est les signatures des joueurs autonomes, dont Ernest Jackson. Ouais. Et ça, c'est difficile d'anticiper parce que quand moi, j'ai appris l'arrivée de Ernest Jackson, j'étais quand même excité au fait. Je trouvais que on essaie de mettre sous contrat un bon joueur dans la catégorie des joueurs autonomes. Bon, qui avait le disponible, Ernest Jackson faisait partie du top de la liste selon moi, sauf que il n'a pas été en mesure de performer là. Mais sa plus grosse erreur, c'est la façon qu'ils ont géré la situation avec Bearwood. Ça, c'est définitif. Oui, parce que les autres. J'étais pas en désaccord avec le fait qu'on se libère d'un joueur qui semble plus en fin de carrière, qui s'est blessé et tout ça. Sauf que lorsque tu libères un joueur comme ça, là, ouais, il faut qu'il t'assure que ton box, là, ta boîte défensive, soit solide et que tu as quelqu'un pour prendre la relève avec un leadership, pas juste un talent. Alors, on s'est convaincu chez les Alouettes qu'on avait des remplaçants pour ce joueur-là. C'était des recrues. On avait pas de Bearwood qui lidait la défensive. Ça, c'est la plus grosse. Puis c'est de la façon que ça a été fait, plus qu'est-ce qu'on a appris aussi à travers les branches que de la raison réelle de cette libération-là. Et de la réaction de Jacques Chapdelaine face à cette réaction-là. La séparation que ça a pu créer en partant de saison dans le vestiaire. C'est probablement la plus grosse erreur, c'est d'avoir congédié Chapdelaine. Par contre, le congédiement Bearwood, ça donne le ton en saison. Mais tu sais, Chapdelaine, quand il a su que Bearwood était libéré, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, je pense que ça n'a pas été fait de la bonne façon. Tout de suite en partant, il est allé critiquer son DG. Puis il avait raison, sauf que toute cette situation-là a créé une tension chez les Alouettes qu'on n'avait pas joué de match encore. OK. Pascal, c'est toujours intéressant. Les Alouettes ne perdront pas en fin de semaine. Ils ne jouent pas. On s'en parle peut-être. On s'en parle vendredi prochain parce que je veux te parler. J'ai pas encore écouté l'entrevue. Je sais que le président de Football Québec a fait une sortie hier. Ouais, faites une sortie, hein, puis ça, c'est notoire, là. Puis la semaine prochaine, vu que les Alouettes sont en congé, je veux t'emmener là-dessus. Écoute, je le sens même dans la région, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que le football est plus à l'aide de noblesse comme avant. Puis j'aimerais savoir ton point de vue, parce que toi, tu diriges à Québec. Donc j'aimerais savoir là-dessus, c'est quoi les causes. Donc la semaine prochaine, on s'en parlera de ça, si tu veux. Parfait, cher ami. Pascal Masson, notre collaborateur de football.